tester ma guerre spirituelle. J'ai vu s'envoler ma moitié, c'est-à-dire elle. J'ai regardé le ciel, ma destinée, apprendre à vivre dans ma spiritualité. J'ai su que le monde vit de misère, que l'enfer prend naissance dans chaque guerre. Perdre ce qu'on a de plus cher pour rien, être détruit au plus profond de son destin. Savoir que le Créateur a perdu ses fils, ressentir pleurer son âme dans l'injustice. Avoir comme ami de grandes choses, percevoir dans la chair de jolies choses. N'avoir jamais, non jamais connu l'amour, regarder le mal nous jouer des tours. Être prince dans un monde lointain, avoir de fortes croyances et un lendemain. Savoir composer sa musique venant du cœur, faire chanter les nuages en mineur. Laisser parler le vent, regarder faire la pluie et le beau temps. Élever ses enfants, regarder vieillir une mère. Se sentir vivant, un sourire, la paix sur la terre. Avoir la force de vivre à nouveau, fermer les yeux sur la douleur et partir à zéro. Regarder enfin la rue disparaître, être maître de son être. Savoir que les voix du ciel sont bonnes à être écoutées. Que le mal disparaît à jamais, laisser le diable et l'enfer aux mauvais hommes. Être connu comme le fils de l'homme, aimer Marie. Stopper les sacrifices, que le ciel soit béni. Je sais que les dieux sont un monde imaginaire, que la lumière espère dans chaque homme, qu'une partie du destin nous est confiée, que la perception est perdue à jamais. Je sais que les dieux sont un monde imaginaire, que la lumière espère dans chaque homme, qu'une partie du destin nous est confiée, que la perception est perdue à jamais. Je sais que l'amour arrivera un jour. J'ai vu ma guerre me jouer des tours. J'ai vu mes meilleurs amis en ennemis. J'ai vu que le monde l'a maudit aussi. Un matin je me suis levé, j'étais guéri. Un matin je me suis levé, tous c'était mes ennemis. La patience apporte beaucoup, la persévérance nous amène à tout. L'obscurité le meilleur moyen pour percevoir la lumière. Mon style est clair. Je sais que par la douleur les anges deviennent démons. Ils ont fini par tuer la passion. Oh mes enfants, ne soyez point effrayés. Mais c'est le monde qui est si mauvais. Les écrits ont perdu tout leur sens. Les traductions sont images de l'existence. Je sais que le ciel inspire la bonté. Leur voix au plus profond dicte nos pensées. J'ai vu aussi que l'amour arrivera un jour. Que la perception nous a joué des tours. Je ne sais pas retrouver ce que j'ai perdu, mais ce que je sais, vous ne l'avez jamais vu. Il est vrai que je rejette vos instructions. Ma musique subit les conséquences. Prions, oui, prions pour cette misère. Prions car ils ont rejeté la pierre. Prions aussi pour les sept péchés. Que Joseph ne soit jamais tombé. Je sais que le bonheur peut disparaître, que les dieux sont un monde imaginaire. Je sais aussi qu'ils ont tué le Messie, alors le Fils de l'homme sera guéri. Je sais que les dieux sont un monde imaginaire, que la lumière espère dans chaque homme, qu'une partie du destin nous est confiée, que la perception est perdue à jamais. Je sais que les dieux sont un monde imaginaire, que la lumière espère dans chaque homme, qu'une partie du destin nous est confiée, que la perception est perdue à jamais. Que la perception est perdue à jamais. Que la perception est perdue à jamais. Yo. Les hommes ont su rejeter l'existence, bien sûr. Les hommes ont su rejeter la spiritualité. Yo. D'ailleurs la guerre, yo, est une putain de preuve de bon sens. Les enfants ont perdu l'existence, bien sûr. Les enfants ont perdu l'existence. Sachez que je suis silence en bonne conscience, bien sûr. Que les nuages font parler les pierres pour mon existence. Que les nuages font parler les pierres pour mon existence. Oh yo. La perception est perdue à jamais. Yes yo. À jamais.